Quand me revint la mémoire qui s'était perdue, pour la pitié des deux cousins, en me confondant de tristesse, je vois autour de moi, partout où je me tourne, où que j'aille et où que je regarde, nouveaux tourments et nouveaux tourmentés. Je suis au troisième cercle, à celui de la pluie éternelle, maudite, froide et lourde. Raides les natures n'en sont jamais nouvelles. Grosse grêle, eau sombre et neige, s'y déverse par l'air ténébreux. La terre qui les recueille a une odeur infecte. Cerbère, bête étrange et cruelle, hurle avec trois gueules comme un chien sur les morts qui sont là noyés. Ses yeux sont rouges, sa barbe grasse et noire, son ventre large, ses mains ondulées, il griffe les esprits, les écorche et dépece. La pluie les fait hurler avec les chiens. Ils font d'un flanc leur bouclier à l'autre flanc. Ils se tournent souvent, les malheureux profanes. Lorsque Cerbère nous vit, l'énorme ver, il ouvrit ses bouches et nous montra les dents. Il n'avait pas un membre qui ne frémit. Alors mon guide étendit ses pommes prises de la terre et à pleine poignée les jeta dans les gueules goulues. Tel un chien aboyant et vorace qui se calme quand il a pâté sous la dent. Car il s'acharne et s'évertue à dévorer. Telles se firent les trois faces bestiales du démon Cerbère qui étourdit les âmes si fort qu'elles voudraient être sourdes. Nous passions parmi les ombres que terrasse la pluie lourde, et nous mettions les pieds sur cette vanité qui semble corps. Elles gisaient toutes par terre. Or une qui se dressa vite et s'assit, dès qu'elle nous vit passer devant elle. Ô toi qui es mené à travers cet enfer, dit-il, reconnais-moi si tu peux, car tu fus fait avant que moi je fusse défait. Et moi à lui, le tourment que tu as t'efface peut-être de ma mémoire, si bien qu'il me paraît ne t'avoir jamais vu. Mais dis-moi qui tu es, toi qui en lieu si triste, et mis à telle peine qu'aucune, même plus grave, n'est aussi déplaisante. Et lui à moi, ta ville, qui est pleine d'envie, au point que le sac en déborde, me tint en haleine pendant la vie sereine. Vos citoyens, vous m'appeliez Tchako, pour le nocif péché de bouche. Comme tu vois, à cette pluie, je m'affaiblis. Et moi, âme coupable, je ne suis pas seule, car toutes celles-ci sont semblables peines pour semblables fautes. Et il se tut. Je répondis, Tchako, ton désespoir me pèse tant qu'il m'invite à pleurer. Mais dis-moi donc, si tu le sais, jusqu'où iront les citoyens de notre ville divisée? Si l'un d'entre eux est juste, dis-moi aussi la cause de la discorde qui l'assaille. Et lui à moi, après longue querelle, ils en viendront au sang, et le parti sauvage chassera l'autre avec horrible offense. Et plus tard il faudra qu'il succombe avant trois soleils, et que l'autre gagne grâce au pouvoir de qui à présent tergiverse. Longtemps, il tiendra le front haut en gardant l'autre sous un joug, quoi qu'il en pleure et s'en outrage. Deux sont les justes, et nul ne les entend, orgueil, envie et avarice règnent. Trois étincelles qui embrassent les cœurs. Il mit fin ici à son discours dolent. Et moi, je veux encore que tu m'enseignes et que tu me donnes d'autres paroles. Farinata et Tagiayo. qui furent si valeureux, Jacopo Rusticucci, Arrigo et Mosca, et les autres qui mirent leurs efforts à bien faire. Dis-moi où ils se trouvent et fais que je les voie, car j'ai grand désir de savoir s'ils ont miel dans les cieux ou poisson aux enfers. S'ils ont miel dans les cieux ou poison aux enfers. Et lui, ils sont avec les âmes les plus noires. Plusieurs péchés les maintiennent au fond. Si tu descends assez, là tu pourras les voir. Mais quand tu seras sur la douce terre, rappelle-moi, je t'en prie, à la mémoire des hommes. Je n'en dis pas plus long et ne te réponds plus. Il tordit alors ses yeux droits et loucha, me regarda encore et puis baissa la tête. Avec elle, il tomba comme les autres aveugles. Mon guide alors me dit, il ne s'éveillera plus avant la trompette angélique. Quand viendra la puissance ennemie, chacun retrouvera sa triste tombe, reprendra sa chair et sa figure, et entendra ce qui résonne éternellement. Ainsi nous traversâmes l'affreux mélange de pluie et d'ombre en marchant à pas lents, à cause un peu de la vie future. Je lui dis, Maître, tous ces tourments s'accroîtront-ils après le grand jugement, ou seront-ils moins forts, ou aussi cuisants? Et lui à moi, retourne à ta science, pour qui plus la chose est parfaite, plus elle sent le bien et aussi la douleur. Quoique ces morts maudits n'atteignent jamais la vraie perfection, ce qui les attend est plus que moins. Nous tournâmes en rond par cette route, en parlant bien plus que je ne redis. Puis nous vîmes au point de la descente. Là, nous trouvâmes Pluton, le grand ennemi.